You are from France. True. Alors je peux te parler en français alors. Je suis en train de me rouler une cigarette. J'ai un super micro acoustique. Je crois que tu dois entendre. Ok. Ah ouais, ok. Alors moi j'ai le clavier juste à côté. Avec ça. Ça pose pas de problème. Ah, le son en fait c'est. De m'entendre mieux le son de la guitare que la voix. Et puis t'inquiète pas, je vais pas chanter. Des accords, mais tu t'improvises en solo.